Ésaïe chapitre 65. Je me suis fait rechercher de ceux qui ne me demandaient point, et je me suis fait trouver à ceux qui ne me cherchaient point. J'ai dit à la nation qui ne s'appelait point de mon nom, me voici, me voici. J'ai tout le jour étendu mes mains au peuple rebelle, à ceux qui marchent dans le mauvais chemin, savoir, après leurs pensées, au peuple de ceux qui m'irritent continuellement en face, qui sacrifient dans les jardins, et qui font des parfums sur les autels de briques, qui se tiennent dans les sépulcres, et passent la nuit dans les lieux désolés, qui mangent la chair de pourceaux, et qui ont dans leur vaisseau le jus des choses abominables, qui disent, retire-toi, n'approche point de moi, car je suis plus saint que toi, ceux-là sont une fumée à mes narines, un feu ardent tout le jour. Voici, ceci est écrit devant moi, je ne m'en tairai point, mais je le rendrai, oui, je le rendrai dans leur sein. À savoir vos iniquités, et les iniquités de vos pères ensemble, a dit l'Éternel, lesquels ont fait des parfums sur les montagnes, et m'ont déshonoré sur les coteaux, c'est pourquoi je leur mesurerai, aussi dans leur sein le salaire de ce qu'ils ont fait au commencement. Ainsi a dit l'Éternel, comme quand on trouve dans une grappe du vin à épreindre, et qu'on dit, ne la gâte pas, car il y a en elle de la bénédiction, j'en ferai de même à cause de mes serviteurs, afin que le tout ne soit point détruit. Et je ferai sortir de la postérité de Jacob et de Juda, celui qui héritera mes montagnes, et mes élus hériteront le pays, et mes serviteurs y habiteront. Et Saran sera pour les cabanes du menu bétail, et la vallée d'Accor sera le gîte du gros bétail, pour mon peuple qui m'aura recherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, et qui oubliez la montagne de ma sainteté, qui dressez la table à l'armée des cieux, et qui fournissez l'aspersion à autant qu'on en peut compter. Je vous compterai aussi avec l'épée, et vous serez tous courbés, pour être égorgés, parce que j'ai appelé, et que vous n'avez point répondu, j'ai parlé, et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui me déplaît, et vous avez choisi les choses, auxquelles je ne prends point de plaisir. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim, voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif, voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez honteux. Voici, mes serviteurs se réjouiront avec chants de triomphe pour la joie qu'ils auront au cœur, mais vous crierez pour la douleur que vous aurez au cœur, et vous hurlerez à cause de l'accablement de votre esprit. Et vous laisserez votre nom à mes élus pour s'en servir dans les exécrations, et le Seigneur, l'Éternel, te fera mourir, mais il appellera ses serviteurs d'un autre nom. Celui qui se baignera en la terre, se baignera par le Dieu de vérité, et celui qui jurera sur la terre, jurera par le Dieu de vérité, car les angoisses du passé seront oubliées, et même elles seront cachées devant mes yeux. Car voici, je m'en vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses précédentes, et elles ne reviendront plus au cœur. Mais plutôt vous vous réjouirez, et vous vous égayerez à toujours en ce que je m'en vais créer, car voici, je m'en vais créer Jérusalem, pour n'être que joie, et son peuple, pour n'être qu'allégresse. Je m'égayerai donc sur Jérusalem, et je me réjouirai sur mon peuple, et on n'y entendra plus de voix de pleurs, ni de voix de clameurs. Il n'y aura plus désormais aucun enfant né depuis peu de jours, ni aucun vieillard qui n'accomplisse ses jours, car celui qui mourra âgé de 100 ans, sera encore jeune, mais le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Même ils bâtiront des maisons, et y habiteront, ils planteront des vignes, et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus perpétueront le travail de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain, et n'engendreront plus des enfants pour être exposés à la frayeur, car ils seront la postérité des bénis de l'Éternel, et ceux qui sortiront d'eux, seront avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai, et lorsqu'encore ils parleront, je les aurai déjà oui. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf, et la poudre sera la nourriture du serpent. On ne nuira point, et on ne fera aucun dommage dans toute la montagne de ma sainteté, a dit l'Éternel.